moi que c'est la lumière tango. Il est musicien sous tango. Yo suis du pays del tango. Yo lo voudrais danser. Si, si, si, si. Yo distingue una chiquita. Mon beau regard moi l'invita. Ma qu'avec une glace esquisse. Elle me dit, y aurait promise. Ah, ah, ah, ah. Et pour pas manquer la danse, yo m'incline vers sa sœur. Belle comme une contrebasse avec un sapo à frère. Dialala de mi amor, dialala tu corazón. Dialala de tu amor, dialala mi corazón. Après le tango, il vient tout le raspa. Et je ne peux plus décoller de ses bras. Avec tout le poids de son corps bien garni, elle sort qu'à besoin sur mes souliers vernis. Et je n'ai jamais fini de danser dessous sa loi. Bientôt mes souliers vernis ne le sont pas plus que moi. Yo n'ai jamais eu de sens, moi qui suis un Alsantin. Depuis que je suis en France, per l'amour, yo fait un teint. Si es que yo lo digo, lo repetirá usted, pero si lo digo, no se le repetirá. Y si no lo digo yo, ningún lo podrá oír. Y si no lo puedo oír, no se le repetirá. Uita, uita. Ma querré bien lumière tango, les musiciens rejouent tango. Et soudain yo m'aperçois, si, qui monte à moi, on est moi. Si, si, si, si, on est moi qui grossi, grossi. Ma cabarrière aussi rosi, contre moi son beau corps tangro. Tango rythme du tango. Ma que là un beau collier, ma que voilà l'escalier, que ça nous monte au premier, les salons particuliers. Dialala de mi amor, dialala tu corazón, dialala de tu amor, dialala mi corazón. Et là, yo lui fais une proposition. Ma qu'elle dit, vous êtes un grand polisson. Et ça vous dit le cueillir permission de lui procurer beaucoup de grands frissons. Il est montré tout mon savoir. La bébête qui monte, elle mit le pas de païen. Elle perroquet qui sanglote, la brouette japonaise. La marmite à tourniquet, elle tourne de béarnaise. Elle delviche à grand braquet. Si es que yo digo, lo repetirá usted, pero si lo digo, no se le repetirá. Y si no lo digo yo, ninguno podrá oír. Y si no lo puedo oír, no se le repetirá. Vida, vida, da, da. Que se me subiendre tout le temps de ese tango a mitad. Si, sí,